to the future, to the future, to the future, to the future. 2-7-2-0 poteau. K double A qui est en sa boum. Sors mon cul noir de mon putain de pieux que pour prendre du bif. Je nettoie le rap même pour l'achat des MC, je crois que je vais mettre du sif. Je m'apprête à féconder, l'instru est en période d'ovulation. Je baise le rap français que tout le monde retourne à ses occupations. KAA, thérapie, alléluia. Ça devient trop violent, y'a trop de sang même pour Caligula. Fin de la récré, où sont ces PD, je leur ouvre le front à l'épée. Sont dans des WC, font un AVC, selon la FP, Mazik les soigne, accro les raclos, rejoignent ma cause. Salope, tu peux jouer avec ma queue, mais ne t'éloigne pas trop. Toxique comme la nicotine, on parle de mes textes sur les deux pôles. Négro, qu'est-ce t'imagines, le flot te guillotine. C'est pour ça que t'as plus trop la tête sur les épaules. J'enquête comme Dick Tracy sur le boule de l'industrie, je viens prendre le gros lot. Ma bite grossit et rétrécit comme toi, bitch, elle fait le yo-yo. A chaque fois que t'ouvres ta sale gueule, j'ai le mort, je vais te refaire ton matricule. Tu pollues, je vais t'enfoncer dans la gorge, un filtre à particules. Drone sans pilote, je bombarde l'asphalte. Je suis dans la zone, je ne fais que mon métier. J'attrape le chrome, je ne vois que leur scalp. Regarde le trône, tu ne vois que mes pieds. Y'a plus de risque, c'est sûr que je les douille. Sur ton rap du passé, y'a plus de rythme que sur mes couilles. Elles sont dans mon filet en une seconde. Gros, je porte le gilet par balle comme une seconde peau. Oh, clic, j'ouvre une bouteille à chaque fois qu'il ferme le cercueil d'un flic. C'est sûr que j'attaque que pour les niquer. Suce-moi bien, je te rajoute des points sur ta carte.